100% francês com Ricardo de Matos. Muito boa tarde e bem-vindos a mais uma edição do 100% francês. Começou com os primeiríssimos tempos de Liane Folly e o seu primeiro álbum The Man I Love, de 88, produzido pelo seu companheiro da altura, André Manoukian. Um álbum com este nome acaba por ser uma dedicatória descarada de Folly a Manoukian. Voltamos a apresentar os irmãos gêmeos que se têm dado a notar ao grande público desde o ano passado. Nico e Fred são os Archimède aqui em O Diable Vauvert. Son avarie, jusqu'alors elle t'a pas loupé la vie, quand bien même esquintée quand les mots nous manquaient, tu laisses compter le bonheur au grand air de guerre là, saurais-tu renoncer? Si la vie ne méritait qu'on l'aimât, rien n'est scellé. Ton mal tu l'as pris en patience et la salle est vide en ce rien. Jusque-là ne faisait tourner la roue.

Um dos nomes incontornáveis da pop francesa, aqui num tema de 2001, Pont Mirabeau, um nome de referência do urbanismo parisiense, é uma das pontes que fazem a ligação das margens do Rio Sena. Foi construída entre 1895 e 1897 e é considerada um monumento histórico desde 1975. Avançamos com a primeira estreia da semana. As duas estreias de hoje trazem duas duplas. A primeira delas, bilingue, o norte-americano Justin Nosua convidou a Angelina Zhao para a versão francesa de Heartless. Promise not to leave, I said I'd never disappear. She knows I'll come back someday. Crying in the bathroom as the mirror disappears. Holding on to fading moments. Oh mama, I think I did it again. I got lost in the wind again. Oh mama, I think I did it again. I got lost in the wind again. No, I'll never leave you heartless. Promesse, promesse. grandi le 12, tu vois je suis loin. Des evening news du coup de Laurent Baril, des ailes me poussent, j'attendrai demain. Nova Cruz ou même Tamboril, qui sait. Ciel doute, un astre malin trace ma route vers le fin fond du Brésil. Et je m'éloigne, mais je sais bien que tu m'accompagnes dans cette chasse au destin. Je vais à bang bang, sécher le vent. Mon cœur est mis de ces rêves qui fondent. M'échouer à bang bang, trouver le temps d'attendre un guide qui n'est pas de ce monde. Le malaise, le pourquoi de l'exil. Plus rien ne me pèse, mon âme est en jardin. Des peines de Dalloway sur le jungle, un bidonville. Et je m'éloigne pour savoir enfin tout ce qu'on gagne à n'être qu'en chemin. Je vais à bang bang, sécher au vent. Mon cœur est mis de ces rêves qui font. Incrível, mas conta já com quase 20 anos de vida este tema dos Liz e não são, Giveza Bong Bong. E deixando de lado as armas, contamos agora com os belgas Suarez, mais um grupo de cariz familiar a conseguir ser conhecido muito, mas mesmo muito para além das reuniões de Natal em família, por exemplo. O Nathan, no 100% francês.

Grande ritmo no 100% francês, oferecido por mais uma voz argelina, desta vez a de Asian, este Vini. É quase, mas ainda não é o final do 100% francês de hoje, até porque temos uma nova aniversariante que até é bastante conhecida em Portugal, já vai saber quem apaga as velas hoje, mas antes com a mais nova de David Hallyday, Le Cœur qui boite. Comme un pont un peu trop court qui s'arrête en plein océan. Je doute parfois que tout l'amour que je donne puisse être suffisant. Comme les ailes d'un oiseau blanc qui n'a rien vu de l'univers, mes bras ne sont jamais assez grands pour aimer autant que nécessaire. Écoute ces bruits de pas qui résonne au fond de moi. C'est mon cœur qui boite, mais sa démarche maladroite l'amène toujours vers toi. Comme un avion de papier n'a jamais traverser la mer. Mon cœur est souvent bien trop léger pour aimer autant que nécessaire. Écoute ces bruits de pas qui résonnent au fond de moi. Cœur qui boite, mon cœur qui traîne la patte. Si parfois tu me sens absent, moins proche de temps en temps, c'est que mon cœur boite, mais sa démarche maladroite l'amène toujours vers toi. J'aimerais avoir les mots, faire les gestes qu'il faut, pouvoir toujours donner le meilleur. J'aimerais tu me sens absent, moins proche de temps en temps, c'est que mon cœur boite, mais sa démarche maladroite l'amène toujours vers. Francês. Parabéns a Patrícia Cass, faz hoje 44 anos. Patrícia Cass, Mademoiselle Chante le Blues. 1988. Qui roulent leur bosse du Brésil en une.